On batte la maman, il a m'arrivé, crié, nom blanc, m'arrivé. Yele, m'arrivé, ma batte la maman. Yele, yele, maman, il a m'arrivé, crié, nom blanc, m'arrivé. Yele, m'arrivé, ma batte la maman. Tambou Congo, a qui mène, moi, la cour, tambou les aïe, qui crié, moi. Sorti dans l'ici, bon, rivé dans l'inon, rivé dans l'inon, nom blanc des mouins. Yele, ma rivé, ma batte la mouin. Ma sorti dans l'inon, ma rivé dans l'ici, nom blanc des mouins. Que moi ça pas la pluie pour mouiller moi. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Yele, yele, maman, il a m'arrivé. Crié, nom l'a dit, nom l'a montré. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Tambou Congo a qui mène moi la cour, tambou les aïe qui crié moi. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Yele, yele, maman, il a m'arrivé. Crié, nom l'a dit, nom l'a montré. Batte la maman, il a m'arrivé, crié, nom l'a dit, nom l'a m'arrivé. Yele, m'arrivé, ma batte la maman. Ma sorti bon, quand elle m'arrivé, trois îles, rivé, trois îles, nom l'a des mouins. Yele, m'arrivé, ma batte la maman. Yele, yele, maman, il a m'arrivé, crié, nom l'a dit, nom l'a m'entré. Yele, m'arrivé, ma batte la maman. Tambou Congo, a qui mène, moi, la cour, tambou les aïe, qui Yele, m'arrivé, ma batte la main. Mon batte la maman, il a m'arrivé. Crié, nom l'a dit, nom l'a montré. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Yele, yele, maman, il a m'arrivé. Crié, nom l'a dit, nom l'a montré. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Ma sortie bon, quand elle m'arrivé, toi zile, nom l'a des mouins. Yele, m'arrivé. Tout pas tout moi passé, nom l'an des mouins. Tout pas tout moi arrivé, nom l'an des mouins. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Nom l'an des mouins, ka provoke mouins. Ça pas la pluie pour mouiller mouins. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Yele, yele, maman, il a m'arrivé. Crié, nom l'an dit, nom l'an m'entré. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Batte la maman, il a m'arrivé, crié, nom l'a dit, nom l'a montré. Yele, m'arrivé, ma batte la main. Tambou Congo, a qui mène, moi la cour, tambou.